plus pour longtemps. On est bien vivant, pas comme ses porcs. Nous on tient la bière, pas comme Justine. Et on retourne ta mère à grands coups de pine. Oh. Pendant que je parle de météo, on vit dans la rue et parle au clodo. Le punk